sève. Moi j'ai trouvé ma reine. Il n'y a pas de cauchemar dans mes nuits. Moi les bad vibes je les esquive, je les fuis. Je veux vivre dans un paradis naturel. Je veux vivre dans un paradis sans problème. Où mes rêves deviendraient réalité. Où je sème de l'amour, de l'amitié. Où j'évite la peine, la haine. Et si je saigne, mes plaies seront plus saines. Avec toi je me prélasse, et sans toi je suis las. Dans mon cœur t'as laissé ta trace. Quel est ce tour de passe-passe partout où tu iras, j'irai. Je suivrai tes pas, c'est vrai. Toi et moi, ensemble à jamais. Dans la vie comme dans le reggae. Toi et moi, ensemble et c'est tout. Et je faille à les rageux et les jaloux. Yeah, I oh. Dis-moi ce qui se cache dans ta boîte à rêve. Serait ce paradis à Adam et Ève? Et si c'est l'enfer, je fais une pause, une trêve. Dans la galette, moi j'ai trouvé l'enfer. Dis-moi ce qui se cache dans ta boîte à rêve. Serait ce paradis où je n'ai jamais de fièvre? Et si de cet arbre coule la sève? Moi j'ai trouvé ma reine. My princess, my queen, ma zélétie, fire green. Bien mettre le lot, bien clean, même si je n'ai pas bonne ligne. For my princess, my queen, ma zélétie, fire green. Bien mettre le lot, bien clean. Well, plus qu'une histoire d'amitié, c'est une histoire pour l'éternité. De passer des soirées à tes côtés, à t'écouter. Un je t'aime égaré, ne sois pas surprise. Poser mes yeux sur toi, je n'ai pas fini. Yeah, I. Oh, yeah, I. Dis-moi ce qui se cache dans ta boîte à rêve. Dans ta boîte à rêve.